Unité 5. 1. B. 1. Alors Eric, qu'est-ce que tu fais cette année pour les vacances ? Cette année, tu vois, je veux voyager à l'étranger. Partir, la culture, l'art, toutes ces choses différentes. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh ben, moi aussi, je vais aller à l'étranger, je crois. Mais j'aime bien les voyages où tout est organisé, tu vois ? Les hôtels, l'avion, le resto, parce que je n'ai absolument pas le temps d'organiser tout ça. 2. Alors Gérard, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ? Oh, moi j'ai bien envie de partir en vacances avec ma femme et les enfants. Mais cette année, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors ce sera difficile. Oh, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Oh, je ne sais pas encore. On va essayer de trouver quelque chose de pas trop cher. La montagne peut-être. 3. Et alors, Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant les vacances ? Ben, moi, j'aime surtout le calme et la nature. Je n'aime pas trop les voyages organisés en autocar avec des guides. Et toi, Justine, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, tu vois, je préfère connaître de nouveaux pays, connaître des gens, visiter des villes et des monuments.